très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici Histoire vivante, à demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Cette semaine, Madagascar. D'une insurrection à l'autre, une indépendance qui tarde à le montrer. Nizerai monima de tsimametraka fitokisana tanteraka alegeveramata fa manoseka fotsiny andeha araka izay hitsy sy ilany vokakaja. Même le bon Dieu ne peut pas satisfaire le monde. Les étrangers se sont retirés et les malgaches eux, continuent à s'interroger pourquoi ne réussissons-nous pas. Le 13 mai 1972, un banal mécontentement d'étudiants dégénère en soulèvement populaire contre le régime et le néocolonialisme français. Le chef d'état-major général des armées, Gaston Ramanantsoa, prend le pouvoir. C'est la fin de la colonisation française qui aura duré 75 ans. Les légionnaires font leur pactage et quittent leur base de Diego Suarez. Sur le plan international, Madagascar rompt les relations avec Israël et l'Afrique du Sud et se tourne vers les pays du bloc communiste, ceci sous l'influence de son tout jeune ministre des Affaires étrangères, un certain Didier Ratsirak, appelé à jouer un rôle de première importance dans les années qui suivent. Le gouvernement nouvellement formé est composé de 4 militaires, dont fait partie Ratsirak, qui est alors capitaine de frégate, et de 6 civils. Mais le gouvernement qui se veut apolitique est des plus hétéroclites. On y trouve des libéraux, des progressistes, des quasi-révolutionnaires. De fait, à la tête d'un tel équipage, le général Ramanantsoa a quelques difficultés à conduire l'attelage. Il décide de confier les pleins pouvoirs à un jeune colonel répondant au nom de Ratsimandrava. Celui-ci suit la ligne d'équilibre que son prédécesseur avait tenté d'instaurer et nomme à son tour des civils et des militaires pour constituer son gouvernement. Mais le règne Ratsimandrava sera le plus court règne qu'ait connu un président à Madagascar au XXe siècle. 6 jours en tout et pour tout, avant qu'il ne tombe dans une embuscade et soit abattu d'une rafale de mitraillette. Cet assassinat politique fait l'objet d'une parodie de justice sur les 300 inculpés. Il y a en tout et pour tout 3 condamnations et il reste à ce jour inexpliqué. Pour Madagascar, l'année 75 reste en tout cas une année d'instabilité politique complète, de rupture avec le socialisme scientifique à la soviétique. Le nouvel homme fort du pays s'appelle désormais Didier Ratsirak. Goma. Goma, goma. Haya. Heka, heka. Hey. Chapitre 1. Un homme fort sur une île faible. L'année 75 est également une année de nationalisation. Toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance opérant à Madagascar y passent. Les biens français et les secteurs économiques vitaux également. L'État se lance dans une politique de fort endettement et l'environnement international, plombé par la première crise pétrolière, n'est pas très euphorique. Au début des années 80, la deuxième crise énergétique met le coup de grâce. C'est la chute des cours des matières premières, la démocratie pique au sol sans parachute et un vieux spectre repointe dans la région, la corruption. L'héritage de la colonisation est gaspillé et anéanti. Faire ses études chez les jésuites au lycée Henri IV, sortir deuxième de sa promotion de l'école navale de Brest, ne suffit pas pour devenir un bon président. Les pleins pouvoirs engendrent les mêmes symptômes, la cécité. Ratsira crée un parti unique, l'AREMA, l'avant-garde de la révolution malgache. Il copie ses modèles favoris, Fidel Castro, Kadhafi. Il instaure la censure de la presse. La vie politique est réduite à des manifestations populaires. La fronde et une insécurité permanente dans les campagnes répondent à son slogan « Madagascar qui ne s'agenouille pas ». Il fait ériger un mausolée à la mémoire des martyrs de la colonisation. Des piquets de garde y tapent le carton allongé sur la pelouse. La décennie s'écoule sans que rien ne laisse espérer une quelconque amélioration pour la plus grande partie de la population, mais la crise monte insensiblement. Ratsirak ne voit rien venir ou ne veut pas voir venir. L'amorce de la décennie suivante donne immédiatement le ton. Nous sommes en 1991. État d'urgence, couvre-feu nocturne, des centaines de milliers de manifestants dans les rues, Madagascar vit des heures difficiles. En début de journée, des blindés avaient fait leur apparition à Antananarivo et l'on pouvait craindre le pire. Cet après-midi, ces mêmes blindés ont dû se retirer sous la pression des milliers de manifestants qui ont réussi à franchir les cordons militaires, gardant plusieurs ministères. Cela fait 7 semaines maintenant que la foule et l'opposition réclament le départ du président Ratsiraka, l'opposition qui n'a pas hésité à créer un gouvernement insurrectionnel. Jean-François Moulin a joint à Paris Aubert Rabenoro, membre de ce gouvernement. Il lui a demandé s'il estimait que ce gouvernement parallèle avait des chances de succès. Je n'aime pas tellement que vous utilisiez le terme gouvernement parallèle. C'est le gouvernement, tout naturellement, face à un vide du pouvoir, a pris les commandes du pays. Et les hommes qui forment, qui constituent ce gouvernement, certes, ont un but commun, c'était d'en finir avec le régime Ratsiraka. Mais je crois que quant aux problèmes urgents qui se posent au pays, il ne peut y avoir qu'accord. Quels sont ces problèmes? Ça touche l'alimentation, ça touche la santé, médicaments, hôpitaux, infirmeries et autres, et ça touche la sécurité. Que peut faire maintenant, dans les circonstances actuelles, M. Ratsiraka? Je me le demande bien. Je me pose la question avec vous. Je ne vois pas à quel autre moyen il pourrait recourir. Lancer ses troupes, ce qu'il reste de sa garde prétorienne, sur une foule sans armes, aux mains nues. Vraiment, ce serait irresponsable, voire criminel. Bien, pour vous, les jours de Ratsiraka au pouvoir sont comptés? Moi, je crois que il est en train de compter ses derniers jours. Mais l'animal blessé est toujours dangereux. 2 semaines plus tard, le 10 août 91, les manifestants marchent sur le palais d'État exigeant la démission du président. Ordre est donné au régiment de la sécurité présidentielle de tirer sur la foule. Bilan: une centaine de morts. Il faut attendre le mois d'octobre pour que des négociations voient enfin le jour. Elles aboutissent à la création d'une haute autorité de l'État et d'un gouvernement de transition. Mais la rue, elle, est loin d'être satisfaite. À ces arrangements d'une classe politique qui n'a plus grâce à ses yeux, elle oppose une contre-offensive et un gouvernement d'insurrection. État des lieux de Madagascar avec Roland Tillmans en cette fin d'année 1991. Ce gouvernement transitoire d'insurrection tient apparemment les rênes du pays, nous allons le voir. Il a donc été élu dans la rue par les manifestants de Tananarive, la capitale, au cours des manifestations populaires de ce printemps et de cet été. Chaque jour, cet été, plusieurs centaines de milliers de Malgaches se sont réunis sur la place du 13 mai pour réclamer le départ du président Didier Ratsirak. Des manifestations monstres, non violentes, qui ont donc engendré dans la foulée un mouvement de grève générale de protestation. Le peuple réclame non sa tête, mais son départ. Il est accusé d'avoir mené le pays à la faillite, d'avoir instauré une dictature de fait avec une assemblée législative à sa botte et d'avoir complètement pourri l'appareil étatique par le recours systématique à la corruption. Didier Ratsirak a été contraint en 1989 d'introduire le multipartisme et a libéré la presse jusque-là muselée. Il est actuellement isolé, ses adversaires le disent fou, isolé dans son palais présidentiel. Un président fou et deux gouvernements, un d'alternative non reconnue par la rue et un autre déclaré d'insurrection. Autrement dit, Madagascar, une sacrée débâcle. La parole d'abord à l'insurrection, au gouvernement d'insurrection des forces vives d'Albert Zwaff, qui ne cache pas sa joie devant le succès de son mouvement. Premièrement par le nombre d'adhésions à ce mouvement. Au moins, les deux tiers de la population de Madagascar, ça fait quand même 12 millions à peu près, et sont acquis à ce mouvement. Bon. Ceux qui ne parlent pas, il y en a beaucoup qui sont acquis à ce mouvement, mais ils ne parlent pas. Nous appelons ça la majorité silencieuse. Et à chaque meeting que nous faisons, par exemple à Tananarive, nous rassemblons à peu près, pour une population de 1 million à peu près à la capitale, nous rassemblons 300 à 400 à 500 000 personnes pour le temps ordinaire. Mais quand il y a une grande manifestation, qu'on dit aux gens « demain, voilà notre programme », nous arrivons à rassembler jusqu'à 1 million 200 000 personnes parce qu'il y a les environs aussi qui viennent. Dans les provinces, des villes qui comptent, mettons, 30 000 habitants, arrive à rassembler au cours des meetings, par exemple, 25 000 personnes. C'est quand même beaucoup. Et le gouvernement d'insurrection de diriger ce qu'il peut. Il décrète la paix des fonctionnaires, ouvre ou ferme l'espace aérien de son pays, engage des milices chargées de maintenir le calme et l'ordre dans les quartiers pour éviter les pillages. Bref, il gouverne, en partie tout au moins. La population des villes est derrière Albert Zwaff, mais l'addition est élevée. Le pays est au bord de la banqueroute. À l'hiver 91, après plus de 6 mois de grève, le 13e pays le plus endetté de la planète, selon le FMI, n'a sans doute pas amélioré son score. Jean-Éric Rocotoares, journaliste économique. Disons qu'à l'heure actuelle, le pays est vraiment dans une situation catastrophique hein, sur le plan économique et social. Disons que cette situation est due tout d'abord à 16 ans de socialisme révolutionnaire qui avait détruit pratiquement l'économie. Bon, c'est repris vers le milieu des années 80 pour tourner vers le libéralisme et qui a permis de redresser un peu la situation, mais ces efforts de redressement ont été annihilés par les 5 mois de grève. Bon, bien entendu, avec une situation économique pareille, on est en train d'aller également vers une crise sociale. Hein, parce que cette crise politique qui s'est traduite par une crise économique avec des problèmes au niveau des entreprises hein, va entraîner soit une immobilisation de certaines entreprises, soit carrément la fermeture de certaines entreprises. Donc on va aller vers une sorte de crise sociale. Y aller, et pourtant, elle semble bien là, cette crise sociale. Dans quelques instants, retour sur une île rouge, en plein dans le rouge. Régis Gisavou est certainement le musicien malgache le plus connu mondialement. Il a notamment travaillé avec Imou Vrigne. C'est un accordéoniste de talent, inspiré par la musique sud-africaine avec des accents cajuns. Cette chanson s'adresse à ses proches, les exhortant, malgré la misère et les difficultés, à rester solidaires et unis face à l'adversité. Régis Gisavou, O Anareo. Mahatiara Anareo, San sanando. Bati pazurana, samusala mandare. Histoire vivante sur la première. Cette semaine, Madagascar. D'une insurrection à l'autre, une indépendance qui tarde à le montrer. Chapitre 2. Insurrection, le retour. L'année 1991 est une nouvelle année d'explosion pour l'île de Madagascar. Un pouvoir corrompu, une société asphyxiée par une dette endémique et une population qui n'en voit plus le bout. On est arrivé au terme d'une exaspération qui ne se contient plus. À la fin de 91, le tableau n'a rien de très glorieux pour le président Ratsirak, qui s'est enfermé dans son palais, attendant sans doute la révélation. Évariste Marson, ministre de l'économie du gouvernement Bis, celui de l'insurrection des forces vives. Le peuple malgache, tout le peuple malgache, rue dans les brancards contre le régime de Ratsirak. Ce peuple malgache exige le départ de Ratsirak. Et c'est pour cette raison, enfin pour obtenir le départ de Ratsirak, que le peuple malgache descend dans les rues. Ce peuple malgache, ce n'est pas seulement la population de Tananarive, c'est tout le peuple malgache de tout le pays qui se révolte maintenant contre Ratsirak, qui exige le départ de Ratsirak. Si Ratsirak était parti, il y a belle lurette que l'activité du pays aurait repris, d'autant que maintenant Ratsirak, qui est là, sait pertinemment qu'il ne peut absolument rien faire parce que le peuple ne le suit plus. Il n'a plus aucune influence sur les administrations, il n'a plus aucune influence sur l'appareil économico-social, il n'a plus aucune influence sur les hommes. Finalement, le fait qu'il veuille rester, cela procède d'une mauvaise foi, parce que on ne peut pas quand même prétendre être président d'un pays alors que le pays ne le suit pas. Aussi, ça s'est même déjà vu dans d'autres pays. Mais la question est bel et bien posée. Ratsirak partira ou partira pas ? Pour l'heure, le président encore en place de Madagascar refuse de répondre non seulement à sa population, mais également aux journalistes. La différence, c'est que eux, ils ne leur tirent pas dessus. Toute la question pour l'opposition n'est pas tant d'avoir la légitimité populaire, mais surtout que celle-ci ait un minimum de conscience politique, et celle-ci tarde un peu à venir. Bon, j'essaie de leur parler un peu, mais je crois qu'ils ont besoin que s'il y a un référendum, que chaque représentant puisse être dans le village, sinon, ou bien qu'ils ne savent pas, ou bien on leur dit ceci et ils suivent le mouvement. C'est-à-dire qu'ils vont voter pour le bulletin de vote qu'on va leur donner? Qu'on va leur donner, oui, bien sûr. Et même s'ils sont s'ils sont cachés, évidemment, ils ne mettent rien, ou ils mettent seulement ce qu'on leur donne, et puis c'est tout. Hein. Quels sont les moyens qu'ils ont pour prendre connaissance de la politique du pays? Il n'y a pas de radio ici, pas de télévision? La radio, s'ils peuvent écouter. Mais là, par exemple, pendant le long week-end de la Toussaint, là, j'étais partie en Mouganda. Et là-bas, je ne sais pas si c'est fait exprès ou quoi. La télévision ne marche pas. Et la radio du IRVL aussi, des forces vives, ne marche pas. Donc je crois que c'est pour éviter que les gens puissent entendre ce qui se passe. C'est tout. Hein. Et il n'y a pas de journaux ici? S'il y a des journaux, mais les gens, comment voulez-vous qu'ils puissent acheter? Ils peuvent pas. Donc ils ne sont pas au courant, en fait? Ou très peu. Ils écoutent quand même la radio ici. Je crois qu'ils peuvent quand même, dans ce village-ci, ils ont la radio, ils peuvent entendre. Mais jusqu'où encore, ils peuvent constater la véracité de tout ce qu'on dit et tout. Les villageois ici vivent dans un dénuement très important. On le voit tous les jours. En tout cas, nous, ça nous frappe beaucoup. Et quelle est leur attitude face au gouvernement? Est-ce qu'ils ont une attitude? Est-ce qu'ils sont mécontents? Ou est-ce qu'ils se laissent vivre comme ça? Je crois qu'à la campagne, on se laisse un peu vivre comme ça. C'est aussi la mentalité un peu malgache? Mentalité malgache. Déjà, je crois qu'ils sont préoccupés par leur vie quotidienne, que ce qui se passe là-bas. Je ne peux pas vraiment parler à leur place. Mais je crois qu'ils se laissent un peu vivre comme ça. Pour l'heure, en cette fin d'année 91, toutes les issues paraissent bloquées. C'est finalement la haute autorité qui aura le fin mot pour cette crise, en réussissant à ouvrir un couloir de dialogue entre l'opposition et le gouvernement de transition. Le journaliste Jean Rakoto Arissa le confirme depuis Antananarivo. Oui, la situation commence à se stabiliser donc avec l'installation de la haute autorité de l'État samedi 23 novembre. Avec pour la première fois l'intégration des membres des forces vives de Ras Alam au sein d'une institution de l'État. Et donc les forces vives détiennent non seulement la majorité au sein de cette haute autorité de l'État, qui est donc la première institution de la période transitoire, mais d'autre part, c'est le leader des forces vives, le professeur Zafi Albert, qui est le président de cette institution. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a maintenant plus qu'un seul gouvernement transitoire? À l'heure où nous parlons, il y a encore deux gouvernements parce que donc la haute autorité de l'État va jouer le rôle d'organe législatif et de contrôle du gouvernement. Mais la nomination et donc la formation d'un gouvernement unique aura lieu d'ici jeudi prochain. Est-ce qu'on peut dire maintenant que la crise politique qui paralysait l'île depuis 7 mois est terminée? Elle n'est pas encore totalement terminée parce qu'on attend encore la réaction de la rue. Parce que pour le moment, il y a encore des manifestations donc sur la place du 13 mai, tous les jours. Ratsirak sera resté cloîtré 10 mois dans son palais. Aux élections de 92, il sera évidemment balayé, mais aux suivantes, celles de 97, il reprendra allègrement les rênes du pouvoir. Il semble qu'à Madagascar, l'amnésie soit parfois de mise. Décembre 2001 et juillet 2002, Madagascar a connu une des plus graves crises de son histoire. Pendant 7 mois, Didier Ratsirak et Marc Ravalomanana, tous deux candidats à la présidence de la République, se sont affrontés pour le pouvoir. La guerre entre les deux hommes a fini par détruire et ruiner Madagascar. L'île a été coupée en deux et la population n'a jamais autant souffert d'une querelle politique. Les armes ont parlé. La folie et les violences ont fait le reste. Les conséquences économiques, sociales et sanitaires sont catastrophiques. Demain, rencontre avec Gaël Mocquer. Il est l'auteur d'un documentaire qui revient sur les événements auxquels Madagascar s'est de nouveau trouvé confronté à la fin 2001, avec au pouvoir un certain Didier Ratsirak, remis en selle, est de nouveau menacé de destitution. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la radio suisse romande, Josette Suyot. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, David Golland. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rocha. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Reprendre au début, reboire le vin que l'on avait bu. Moi j'aimerais que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de fort et que l'on se réveille pareil. Est-ce qu'on peut reprendre mine de rien? Comme à la page cornée du bouquin qu'on avait refermé la veille en luttant contre le sommeil. Est-ce que jusqu'au mot fin on tient? Je sais bien l'existence suit le même unique sens que l'eau. Mais referais-tu ce baiser au fer autant que voler tantôt? Est-ce qu'on peut reprendre à la source? Poser les pierres qui changent sa course, inonder un nouveau décor, va savoir ce qui peut éclore, des plantes au bord du fleuve, toutes neuves. Je sais l'incandescence des cœurs et par essence fragiles. Mais referais-tu ce baiser offert autant que voler fébrile? Est-ce qu'on peut reprendre au début? Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.